الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adama wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations إثر الأزمة المالية العالمية à la suite de la crise financière mondiale, il y en a celui qui a perdu son travail. Il y a celui qui a fait faillite dans son commerce ou dans son entreprise. وصارت الأزمة المالية أزمة نفسية عند كثير من الناس. Et la crise financière est devenue une crise psychologique chez beaucoup de gens. والإنسان الذي يمر من أزمة كهاته, l'individu qui passe par une telle crise, يحتاج إلى أن يستدين لمواجهة حاجيات الحياة. Cette personne a besoin de s'endetter afin de faire face aux besoins et aux nécessités de la vie. أو يحتاج إلى تخفيف أو إرجاء ديونه القديمة. Ou cette personne tout simplement a besoin d'alléger sa dette ou de prolonger le terme de paiement de celle-ci. وبهذه المناسبة À cette occasion, سأتكلم اليوم عن القرض في الإسلام. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder le prêt en islam. عبر عدة نقاط. Ceci à travers plusieurs points. وأبدأ بالنقطة الأولى. Et je commence par le premier. وهو فضل القرض. Le mérite ou la vertu du fait de prêter à quelqu'un de l'argent. قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et salut sur lui dit ما من مسلم يقرض مسلما قرضا يسلف واحد اخر اي مسلم يسلف واحد مسلم اخر يقرض قرضا مره الا كان كصدقتها مرتين chaque musulman qui prête de l'argent ou qui fait un prêt à un autre musulman une fois ça va être auprès de Dieu comme le salaire de la même quantité comme aumône, mais compté double. C'est-à-dire ça va être le double de la somme équivalente donnée comme aumône pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban, rapporté par Ibn Majah et Ibn Hibban. Ajrul qard ya'dilu marratayn ajra sadaqa. Le salaire du prêt auprès de Dieu vaut deux fois le salaire de l'aumône ou de la sadaqa. Mathalan, qard 1000 euros عند الله, par exemple, le prêt de 1000 euros, lorsqu'on prête à quelqu'un 1000 euros, le salaire auprès de Dieu, yusawi sadaqa ديال 2000 euros, est égal à, au salaire d'une aumône qui fait 2000 euros. A sadaqa, لا تعود تعطي المال للفقير لا يرجع المال إلا غدا يوم القيامة في الدنيا لا يرجع الصدقة لا تعود وتأخذ عليها الجزاء 10 مرات. L'aumône, la sadaqa, son argent ne revient pas dans cette vie ici-bas. Et dans l'autre vie, Dieu te donnera 10 fois le salaire de ce que tu as donné. Amma al-qard fa ya'oud al-mal ilayk fi ad-dunya. Tandis que le prêt, lorsque tu prêtes à quelqu'un, l'argent revient vers toi, ton argent revient vers toi dans cette vie ici-bas. Et tu auras 20 fois le salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, 2 fois le salaire de la sadaqa. Wa akbar min hadha, plus que ça, yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et ça je lui dis, man manaha منيحة لبن أو ورق ورق المال يعني الدراهم. Celui qui fournit ou qui offre du lait ou bien de l'argent, هذا يعني القرض سلف. Ceci signifie le prêt, lorsque tu fais un prêt de lait ou d'argent à quelqu'un. أو هذا زقاقا يعني واحد ما يعرفش الطريق عابر سبيل وانت توريه الطريق. أو هذا زقاقا يعني هداية الطريق وإرشاد السبيل. أو bien celui qui oriente un perdu, un égaré, un étranger qui ne connaît pas bien le chemin. كان له مثل عتق رقبة. Ceci lui donnera un salaire auprès de Dieu comme le salaire de celui qui a affranchi une tête. رواه أحمد وقال رواه أحمد والترمذي وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Tirmidhi qui l'a qualifié de hautement authentique. ما هي جائزة عتق رقبة؟ Quel est le salaire donné par Dieu à celui qui affranchit un esclave ou une tête? قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, أيما رجل أعتق امرأ مسلما, quiconque délivre de l'esclavage, affranchit un être humain musulman, استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. Pour chaque organe de l'esclave, Dieu va sauver l'organe équivalent de celui qu'il a affranchi de l'enfer. معنى العتق لما تعتق إنسان أنت تعتق نفسك من النار أنت تنقذ نفسك من النار. Ça veut dire celui qui a franchi à l'époque ou qui a franchissé à l'époque un esclave de l'esclavage, Dieu l'affranchit ou le délivre des flammes de l'enfer. متفقون عليه, unanimement authentique. بمعنى الذي يقرض إنسان له نفس الأجر. Ce hadith dit que celui qui prête facilement de l'argent à un autre musulman aura le même salaire que celui qui a affranchi un esclave. Ça veut dire il délivre sa personne des flammes. فالصدقة للفقراء لأن ليست لهم القدرة على رد الدين. La sadaqa ou l'aumône est réservée ou est donnée aux pauvres, aux nécessiteux, parce qu'ils n'ont pas la capacité de rembourser la dette. أما القرض فهو للناس المتوسطين والأغنياء. Tandis que le prêt est donné ou réservé aux gens moyens, de salaire moyen ou bien aux riches. إذا جاءك إنسان يطلب الدين. Lorsque quelqu'un se présente à toi, toque ta porte et te demande un prêt, et il s'agit d'un homme de confiance, est capable de rembourser sa dette, et toi tu as l'argent dans la banque, et maintenant tu n'as pas besoin de cette somme d'argent que tu as. Donc, dans le cas où tu lui prêtes ton argent, tu auras le double salaire d'une aumône, et tu auras le salaire de quelqu'un qui a affranchi un esclave. Et dans le cas où tu refuses, lui il toque ta porte, et toi tu as l'argent, tu sais qu'il est solvable, tu veux pas. Dieu dit dans un verset coranique, « Fawailul lil musalli ». malheur aux prieurs, alladhina hum an salatihim sahun, qui se laissent distraire de leur prière, alladhina hum yuraun, qui agissent par pure ostentation, wa yamna'un al ma'un, et qui refusent de prêter al ma'un, min bayni tafasir al ma'un, parmi les explications données à ce terme al ma'un, huwa al aoun, al ma'un min al aoun, العون والمساعدة بالقرض إلى غير ذلك. Parmi les explications de ce terme ma'un, qui est connu souvent sous le terme ustensile, parmi les explications c'est l'aide, fournir l'aide à son prochain. الثانية النقطة الثانية, le deuxième point, نية المستدين, ça touche l'intention de l'emprunteur, اللي كيتسلف, ما هي النية ديالو, quelle est son intention. النية جد مهمة في بداية أي عمل. L'intention est capitale avant toute œuvre. والنية إما أن تكون طيبة, cette intention est soit bonne, vertueuse, نية أداء, j'emprunte mais j'ai l'intention de rembourser, أو أن تكون سيئة, ou soit que l'intention est mauvaise, نية عدم الأداء, j'emprunte mais j'ai l'intention de ne pas payer cette dette. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sur lui dit, من أخذ أموال الناس يريد أداءها, celui qui prend l'argent des autres avec l'un ou en voulant les rembourser, أدى الله عنه, c'est Dieu qui va rembourser à sa place, c'est-à-dire Dieu va l'aider pour rembourser ce prêt. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها, أتلفه الله, et celui qui demande l'argent des autres avec l'intention de causer sa perte, c'est-à-dire de l'argent, Dieu causera sa propre perte. Rawahu al-Bukhari wa Ibn Majah, rapporté par l'imam al-Bukhari et Ibn Majah. Idha kanat niyyatuka tayyib, dans le cas où ton intention est vertueuse, bonne, adda Allah anka fi dunya wal akhirah, hatta idha mit wa lam tastati' sayuaddi Allah anka ghadan yawm al qiyamah, Dieu va rembourser à ta place dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, même dans le cas où tu meurs avant de payer, c'est Dieu qui va payer à ta place parce que tu avais l'intention. Wa sa'adaka 'ala al-ada, et dans le cas où tu restes en vie, il va t'aider à rembourser. Wa idha kanat niyyatuka sayyi'a, dans le cas où ton intention est mauvaise, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sur lui dit, ayyuma rajulin tadayyana daynan, quiconque emprunte ou contracte une dette, wa huwa mujmi'un 'ala an la yuwaffiyahu, ma yakhallash, avec l'intention ferme de ne pas la rembourser, laqiya Allah sariqan, il rencontrera Dieu en tant que voleur. Rawahu Ibn Majah wal Bayhaqi, rapporté par Ibn Majah et par Al Bayhaqi. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète prière et sur lui dit, nafsul mu'min, yani ba'da al-maut, mu'allaqatun bidaynihi, l'âme du croyant, c'est-à-dire après son décès, est suspendue à sa dette, jusqu'à ce que cette dernière, c'est-à-dire la dette, soit remboursée pour lui, c'est-à-dire de la part de ses proches, de ses enfants, de ses héritiers, etc. Rawahu al-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, rapporté par Tirmidhi qui l'a authentifié, wa ibn Majah wa Ahmad wa ibn Hibban wa al-Hakim, et a été rapporté aussi par d'autres. An-nuqta al-thalitha, le troisième point, huwa tariqatu al-dayn, la façon dont on doit faire le prêt, ou comment emprunter et comment prêter. هناك توجيهات إلهية, il y a des recommandations divines, للدائن وللمستدين, des recommandations pour le prêteur et pour l'emprunteur. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وهذه أطول آية في القرآن, et il s'agit là du verset le plus long dans le Coran, آية الدين, le verset de la dette, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه, اكتبوه بين الدائن والمستدين, اكتبوه يا سيدي, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل، لا بد من الأجل، ما تقولش لي تيكون عندي، لا، أعطيني الأجل، شهر شهرين عام عامين، إلى أجل مسمى، الأجل يكون مسمي معروف مسمى، فاكتبوه. Ou vous qui avez cru, si vous contractez une dette pour un délai déterminé, ça veut dire il faut déterminer, il faut fixer le terme de cette dette. Il ne faut pas dire prête-moi et je te rembourse quand j'aurai. Non. Un mois, deux, une année, deux. Écrivez-la. Ça veut dire cette dette doit être écrite. وَقَالَ تَعَالَى Et Dieu dit dans le même verset, يَا وَاسْتَشْهِدُوا شهيدين من رجالكم وديروا زوج شهود هاد زوج شهود شهدوا بلي انا عطيته اشحال عطيته هذا كلام الله تعالى وتبارك واستشهدوا شهيدين من رجالكم مش من اي الناس لا من الناس اللي كتعرفوا قراب لكم صحابكم من الحباب ديالكم الى غير ذلك من رجالكم prenez à témoin deux hommes des vôtres وقال كذلك il a dit de la même manière ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وخي يكون غير شي حاجة صغيرة أو كثيرة لا بد تكتبوها ذلكم أقسط عند الله هذا أعدل عند الله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا باش ما يدخلكم الشك من بعد شحال سلفت واش عطيت واش ما عطيتش إلى أجل كم وأدنى ألا ترتابوا qu'il ne vous répugne pas de l'écrire petite ou grande c'est-à-dire la somme petite ou grande doit être écrite et de lui fixer son terme cela est plus équitable auprès de Dieu assure un témoignage meilleur et vous évite le doute c'est-à-dire par la suite faites tawjihat al-ilahiyya donc les recommandations divines sont claires kitabat al-mablagh والأجل أمام شاهدين. Les recommandations, c'est le fait d'écrire la somme empruntée, le terme fixé pour le paiement devant deux témoins. هناك من العلماء من قال بأن الكتابة والشهادة فرض. Parmi les savants de l'islam, il y en a ceux qui ont dit que écrire et faire cela devant deux témoins est une obligation comme la prière, le jeûne, etc. أما الجمهور, tandis que la majorité des savants قالوا بل الكتابة والشهادة شيء مندوب وليس بفرض. Le fait d'écrire et d'avoir deux témoins, la majorité des savants disent que c'est pas obligatoire, mais ça reste une chose préférable. أقول je dis في عصرنا هذا إن كان المبلغ صغيرا الأحسن أن يعطي المستدين الدائن للدائن شيكا اللي تسلف يعطي اللي يسلف واحد الشيك يبقى عنده يسنيه ويعطيه في التاريخ وفي الكم 200 اورو 100 اورو حاجه صغيره ان بوتيت سوم يبقى معه كدليل دونك جو دي ا نوتر ايبوك il est préférable que l'emprunteur donne un chèque au prêteur qui sera une preuve qui sera un argument وهذا كتاب il s'agit là d'une écriture comme Dieu l'a demandé مع إمكانية الشهود et en plus de ça il est possible d'appeler deux témoins أما إن كان المبلغ كبيرا mais lorsque la somme empruntée est grande فالأحسن المرور أمام كاتب موثق à ce moment là je dis il est préférable de passer devant un notaire لأننا لا نعرف ما يجري في المستقبل parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. مثلاً, par exemple, رُبَّمَا يَمُوتُ الْمُسْتَدِينَ il se peut que l'emprunteur décède. وَيَقُولُ الْوَرَثَ نَحْنُ لَمْ نَكُنْ عَلَى عِلْمٍ بِهَدَ الدَّيْنِ et les héritiers vont dire nous, on n'était pas au courant du tout de cette dette. رابعاً, quatrièmement, الدُّعَى, l'invocation. قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لرجل عاجز عن أداء دينه L'imam Ali, que Dieu l'anoblisse, dit à un homme inquiété dans l'incapacité de payer sa dette « Ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veux-tu que je t'apprenne quelques mots que le messager de Dieu, prière et sa lui, me les a enseignés ?« Law kana alayka mithlu jabalin daynan » Si tu as comme le poids d'une montagne en dette, c'est Dieu qui va l'a payé à ta place. Qul, dis, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ô mon Seigneur, contente-moi par ton halal par rapport à ton haram. Waghnini bifadlika amman siwak. Et enrichis-moi par ta générosité par rapport à toute personne en dehors de toi. Rawahu al-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui l'a qualifié d'authentique. Wa rawahu al-Hakim, est rapporté par al-Hakim. Allahumma ikfini bihalalika an haramik. Ana la uridu haraman. Allahumma ikfini fi hayati bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. La taj'alni amud yadi li siwak ya Rab. Anta mawlai. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لرجل من الأنصار. Une fois le prophète prière et s'assoit a dit à un homme parmi les Ansar, مهموم بديونه, angoissé par ses dettes, ses lourdes dettes. أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك. Veux-tu que je t'apprenne des mots? Si tu les prononces, Dieu va dissiper ton angoisse et va payer à ta place ta dette. قال بلى يا رسول الله. Il a répondu si au messager de Dieu. قال صلى الله عليه وسلم قل إذا أصبحت وإذا أمسيت دواء في الصباح والمساء. Dis tôt le matin et au soir. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. Ô mon Seigneur, je me protège, je demande ta protection contre l'angoisse et la tristesse. Wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Et je demande ta protection contre l'incapacité, contre la paresse. Wa a'udhu bika min al-bukhli wal-jubn. Et je demande ta protection contre l'avarice et la lâcheté. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn an yaghlibani ad-dayn. Et je demande ta protection contre la défaite devant la dette. Wa qahri rijal. Et je demande ta protection contre la domination des hommes, que je sois dominé par les hommes. Qala Abu Umama. Abu Umama dit fa qultu dhalika. J'ai répété ces mots. Fa adhhab Allahu azza wa jalla hammi. Et Dieu par la suite a dissipé mon mal ou mon angoisse. Wa qada anni dayni. Et Dieu a remboursé à ma place ma dette. Rawahu Abu Daoud, rapporté par l'imam Abu Daoud. Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazan wa a'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wa a'udhu bika min al-bukhl wal-jubn wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Al-khamisa, le cinquième point, husn al-ada, le bon remboursement. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى, يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الدين. النبي كان قد استلف عنده جملا وأتى يأخذ حقه. Un homme est venu demander au prophète prière et sur lui de lui rembourser le prêt qui a été contracté par le prophète صلى الله عليه وسلم. C'était un chameau. فأغلظ له. Il était grossier avec le prophète صلى الله عليه وسلم. فهم به أصحابه. Les compagnons ont voulu le charger. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu prière et sage lui dit. قال dit دعوه. Laissez-le. فإن لصاحب الحق مقالا. Le prêteur a un droit à la parole. ثم قال صلى الله عليه وسلم. Et par suite il dit prière et sage lui أعطوه سنا مثل سنه, يعني جملا في عمر جمله الذي أقرضني. Donnez-lui un chameau qui a le même âge que le chameau qu'il m'a prêté. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سني. ما لقينا إلا حسن من سن ديالو, يعني عندنا الجمال ولكن كبار من ديالو, حسن من الجمال ديالو. Ils dirent au messager de Dieu, on n'a pas un chameau qui a le même âge que le sien. On a seulement des chameaux plus âgés que le sien et de meilleure qualité que le sien. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit prière et s'assoit. A'tou, donnez-lui. Fa inna khayrakum ahsanakum qada'an. Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur remboursement. Muttafaqun alayhi al-Bukhari wa Muslim, unanimement authentique. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et s'assoit, a'ta ar-rajul akthar min haqqihi. Il a donné à cet homme plus que ce qu'il lui devait. وَهَذَا يَدُلْ عَلَى كَرَمِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ceci montre la grande générosité du prophète. وَهَذَا جَائِزْ فِي الْإِسْلَامِ. إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا مُنْدُ الْبِدَيَةِ. Ceci est permis en islam de rembourser plus que ce qu'on a contracté, à condition que ça ne soit pas une condition initiale dès le début. فَإِنْ كَانَ شَرْطًا فَيُصْبِحُ رِبًا حَرَامًا. Dans le cas où c'était une condition initiale, ça devient de l'usure interdite. وَالْمُسْلِمْ الْحَقِيقِ. Le vrai musulman, يَحْتَرِمْ الْأَجَلِ. Il respecte le délai. وَإِنْ اسْتَطَاعَ رَدَّ الدَّيْنِ قَبْلَ نِهَايَةِ الْأَجَلِ. Le vrai musulman, s'il peut, il rembourse le prêt même avant terme. فَهَذَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ. Ceci est grand auprès de Dieu. وَمِنْ خَيْرِ النَّاسِ. Il devient parmi les meilleurs humains. أَمَّا الَّذِي لَا يَحْتَرِمْ كَلِمَتَهُ وَلَا الْأَجَلِ. Tandis que celui qui ne respecte pas sa parole et ne respecte pas le terme fixé auparavant, فَفِيهِ عَلَمَاتِ نِفَارِ. Celui-ci contient des signes d'hypocrisie. إِذَا حَدَّثَ كَذَبْ. إِذَا كَانْ كِكْذَبْ. Lorsqu'il parle, il ment. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ. Et lorsqu'il fait une promesse, il ne la respecte pas. وَإِذَا تُمِنَ خَانْ. Et lorsqu'on lui fait un dépôt, il le trahit. وَأَقُولْ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ. Celui-ci, il doit se repentir. سَادِسًا وَأَخِيرًا حُسْنُ الطَّلَبْ. Le dernier point, le sixième, c'est la bonne demande. Demander d'être remboursé d'une façon noble et vertueuse. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sur lui dit: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. اقتضى لما كيطلب الحق ديالو. رحم الله عبدا سمحا سهلا لينا إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى. رواه الإمام البخاري. Que Dieu soit miséricordieux à l'égard d'un homme qui est souple, qui est doux lorsqu'il vend, qui est souple et doux lorsqu'il achète, et qui est souple et doux lorsqu'il demande à être remboursé. Rapporté par l'imam al-Bukhari. هذه السماحة تظهر خصوصا في أوقات الأزمات المالية. Cette souplesse, cette douceur doit apparaître surtout dans les moments de crise financière. إذا أصبح المستدين معسرا. Lorsque l'emprunteur devient insolvable, lorsqu'il devient failli, lorsqu'il passe par une faillite. اسمع التوجيهات الإلهية والنبوية. Écoutez là les recommandations divines et prophétiques. قال تعالى. Dieu le très haut dit: وإن كان ذا عسرة أصابه العسر المشقة وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. S'il est dans la gêne, donnez-lui un délai jusqu'à des temps meilleurs. وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Que vous en fassiez aumône est bien meilleur pour vous si vous savez. فِي حَالَةَ الْعُسْرِ. En cas de difficulté financière, يُنْضَرُ الْمُعْسِرِ إِلَى وَقْتِ الرَّخَاءِ. نزيدوا في الوقت. نقول له كان خصك تخلص هذا العام. خلي العام الجاي إن شاء الله. ما عندكش خلي العام الجاي. ترحمو. مش تقول له لا بغيت فلوسي. Donc dans le cas où il passe par une crise financière, on lui accorde un délai. Le moment de payer c'était ce mois, on lui dit l'année prochaine inshallah. Mais dans le cas où tu fais de ta dette pour lui une aumône, tu effaces la totalité ou tu effaces une partie, ceci est meilleur pour toi auprès de Dieu. فَهَذَا الْعُسْرِ إِبْتِلَاءٌ مِنَ اللَّهِ لَكَ. Cette difficulté ou cette crise financière était une épreuve de la part de Dieu pour toi. فَكَيْفَ سَتَتَعَامَلْ مَعَ أَخِيكَ. Comment vas-tu te comporter avec ton frère? وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Le prophète prière et sage lui dit: مَنْ صَرَّهُ أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. Celui qui aime être épargné ou sauvé des crises ou des souffrances du jour de la résurrection, فلينفس عن معسر أو يضع عنه فليؤجله يعطيه أجل آخر أو يسمح له في كل شيء أو في بعض. داكشي اللي كيتسالو. رواه الإمام مسلم. Celui qui aime être sauvé des crises du jour de du jour de la résurrection, qu'il soulage une personne en difficulté financière qui a emprunté auprès de lui de l'argent. Qu'il le soulage, ça veut dire qu'il lui donne un autre délai, ou bien il efface partiellement ou totalement la dette rapportée par l'imam muslim. Bimana, idha kana laka daynun ala shakhs, ça veut dire si tu as un prêt, tu as fait un prêt à quelqu'un. Walam yastati' radd ad-dayn li'iflas, il est incapable de te rembourser parce qu'il a subi une faillite. Fala tamrad wa la taskhat, ne tombe pas malade à cause de ça. Ne deviens pas coléreux à cause de ça. Celui qui t'a donné dans le passé, il est toujours là. Allah, il va te donner de la même manière. Il est en train de te mettre à l'épreuve. Allah yujarribuk. Allah yakhtabiruk. Hadhihi fursa a'taha Allah lak. Il s'agit là d'une occasion que Dieu honore, que Dieu t'a donnée. Liyu'amminak didd kurab yawm al-qiyamah. Il t'a donné une occasion afin de t'assurer contre les souffrances du jour de la résurrection. Ne rate pas cette occasion. Fakun samhan ma'ahu, ma'ahad al-mustadin. Sois souple, sois doux avec cet emprunteur. Wa sayakunu Allahu samhan ma'aka ghadan yawm al-qiyamah. Et Dieu le sera avec toi le jour de la résurrection, sûr et certain. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit prière et ça lui man andara mu'siran aw wada'a lahu, celui qui donne un autre délai à un emprunteur ou efface sa dette, adallahu Allahu yawm al-qiyamah tahta dhilli 'arshihi yawm la dhilla illa dhilluh. Dieu le récompense par cette manière, il le met à l'ombre de son trône le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih, rapporté par l'imam Tirmidhi qui l'a qualifié de hautement authentique. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète dit prière et sahih, man andara mu'siran فله كل يوم صدقه قبل ان يحل الدين. Celui qui emprunte l'argent, pour chaque jour c'est compté auprès de Dieu comme une aumône jusqu'au terme. من اعطيت الواحد 1000 اورو كل نهار انت عند الله كتعطي صدقه ديال 1000 اورو. C'est-à-dire si tu donnes à quelqu'un un prêt de 1000 euros, pour Dieu, tant qu'il ne t'a pas remboursé, chaque jour tu donnes une aumône de 1000 euros. فاذا حل الدين, le prophète dit au terme de ce prêt, فأنظره, dans le cas où tu lui donnes un autre délai بعد ذلك, فله كل يوم مثليه صدقة, يعني كل نهار غتكون عنده الصدقة جوج مرات, il aura pour chaque jour le double du salaire auprès de Dieu. رواه ابن ماجه وغيره, rapporté par l'imam ابن ماجه et d'autres. وأختم بهذه القصة, je finis par cette histoire. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, إن رجلا ممن كان قبلكم, un homme de ceux qui vous ont précédé, أتاه الملك, ملك الموت, l'ange de la mort lui est venu, ليقبض روحه, afin de prendre son âme. فقال هل عملت من خير, il lui a dit avant de prendre l'âme, as-tu fait une bonne action? قال ما أعلم, il a dit je ne sais pas, ça veut dire non. قيل له ما عنده ولا حسنة, قيل له انظر, on lui dit regarde, réfléchis, peut-être tu as fait une bonne action. قال ما أعلم شيئا, il a répondu non, je ne suis au courant d'aucune bonne action. غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا, sauf que je vendais, j'étais un commerçant, je vendais aux gens des choses dans la vie ici-bas. Fa undhiru al-musir al-ghani, ma nakhruj min 'ando al-yawm nqul lahu khalli al-shahr jay ma al-ghani, je donnais de nouveaux délais aux gens riches pour me payer. Wa atajawazu 'an al-mu'sir, et je pardonnais aux hommes, aux personnes qui étaient en difficulté financière, j'effaçais leurs dettes. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ, et Dieu l'a fait entrer dans le paradis. Dieu de la même manière a effacé ses péchés. كَمَا كَانَ يَمْسَحْ دُيُونَ النَّاسِ, Allah مَسَحَ دُنُوبَهُ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Al-Bukhari wa Muslim, unanimement authentique Al-Bukhari et Muslim, il n'avait aucune bonne action à part celle-ci. وفي رواية, dans une autre version, قال الله تجاوزوا عنه, dans une autre version Dieu dit à ses anges pardonnez-lui, ou pardonnez-le et faites-le entrer dans le paradis. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. À la fin, je vous recommande et à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci, adorateur de Dieu, كثير من إخواننا, beaucoup de nos frères, الغالبية, presque la majorité, يعيشون في شقق الكراء عند الأشلام, vivent dans des appartements de location chez les offices d'HLM. هذه التجمعات السكنية التي تساعد الشباب على الانحراف, ces regroupements massifs d'habitations qui aident ou qui participent à l'égarement des jeunes avec beaucoup de facilité. وتجد العائلة المسلمة لا تستطيع مفارقة الشقة. Et on remarque que la famille musulmane n'aime pas ou ne veut pas quitter l'appartement parce que la famille ne veut pas emprunter un prêt usurier avec le riba. Beaucoup de musulmans souhaitent aiment acheter une nouvelle voiture. Mais il est incapable de le faire parce qu'il ne peut pas contracter une dette avec l'usure. فيبقى بسيارته التعبانة أكثر وهي عند أكثر ولا 15 سنة 12 سنة هذه حالتنا. Et il garde sa voiture fatiguée qui a plus de 10 ans, plus de 15 ans. دائما في عطل, cette voiture qui est toujours en panne. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, نحن ما يقارب 6 ملايين نسمة ou 6 ملايين مسلم في فرنسا. On est à peu près, on fait à peu près 6 millions de musulmans en France. كثير من الدول في العالم سكانها اقل من 5 اقل من 4 مليون نسمة. Beaucoup de pays dans le monde, leurs habitants ne dépassent pas 4 ou 5 millions, 3 millions, 2 millions d'habitants. نحن 6, nous on est 6. هذا لا يعني نداء للقيام بدولة داخل الدولة. Ceci ne signifie pas un appel à former un État à l'intérieur de l'État. Mais c'est un appel, c'est une invitation à plus d'organisation ou à l'organisation. Si on fait l'hypothèse, 2 millions de musulmans, si 2 millions, chacun des musulmans de ces 2 millions donnent, participe par 1000 euros par année comme actionnaire, il a des actions. Le résultat sera milliardin min al-urouhat. Le résultat sera 2 milliards en euros. Les tatbiq mabda al-bay' bil-murabah al-islami, afin de réaliser le principe de la vente avec murabaha, avec bénéfice, cette vente islamique autorisée islamiquement, fi tanzim hasab ma tasmah bihi qawanin ad-dawla, dans une organisation selon ce que permettent les lois de ce pays. Fayastati al-muslim shira' bayt aw sayyara fi حدود 10,000 سكن في السنة بثمن 200,000 أورو معدل. Et le musulman peut acheter une maison, un appartement, une voiture dans la limite de 10,000 maisons par année avec une moyenne de 200,000 euros par appartement أو 100,000 سيارة في السنة بمعدل 20,000. Ou bien ça nous permet de financer 100,000 voitures nouvelles avec un prix moyen de 20,000 euros. مع عائد سنوي يقارب مليار من الأداءات الشهرية, avec un revenu annuel de toutes ces achats de 1 milliard venus des mensualités. ربح كبير للمسلمين المستفيدين من هذا النظام. Ça va être un grand bénéfice pour les musulmans qui vont bénéficier de ce système. وربح كبير للمستثمرين المسلمين. Et un grand bénéfice pour les investisseurs musulmans. وخصوصا ربح كبير لهم في الآخرة. Et surtout un grand gain ou bénéfice pour eux dans l'au-delà. هكذا يعني ربما واحد يقول لا نستطيع فرنسا كبيرة أقول له نفعلها في الإصون. Quelqu'un va me dire mais c'est beaucoup mon frère de faire ça, de s'organiser au niveau de la France. On dit on s'organise seulement au niveau de l'Essonne. 10,000 musulmans, 10,000 personnes, 10 ملايين euros, 10 millions d'euros, 5 مساجد مثل كوربي تبنى في السنة. 5 mosquées comme celle de Corbeil sera construite par année. 50 masken fi sana, 50 pavillons en année ou 50 appartements par année. Ila akhiri, etc. Musibatuna annana nahnu al-muslimin fi hadha al-asr. Notre malheur, nous les musulmans à notre époque, la nantadim. On n'aime pas l'organisation. نحن ضد النظام. On est contre l'organisation. ونفتقد الثقة في بعضنا البعض وخصوصا في المال. Et on manque de confiance les uns aux autres, surtout lorsque la chose concerne l'argent. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et nul pouvoir, nulle puissance qu'avec l'aide de Dieu. وفي انتظار وصول أبناك إسلامية إلى فرنسا. En attendant l'arrivée de certaines banques musulmanes vers la France. إذا طلب منك أخوك التقي دينًا لأنه في حاجة. Si un de tes frères qui est pieux, qui est un homme de confiance, il passe par une crise et il te demande une dette, وكنت قادرًا, et tu en es capable, فرحمه, et pitié de lui. وكن معه سمحًا, et sois doux, sois souple avec lui, يرحمك الله في الآخرة, ويكون معك سمحًا في الآخرة, et Dieu sera miséricordieux à ton égard dans l'au-delà. Et sera souple avec toi dans l'au-delà. نسأل الله التوفيق. On demande à Dieu de l'aide. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت خذ بأيدينا جميعا إلى الخير, خذ بأيدينا جميعا إلى الوحدة, فالوحدة قوة والتفرقة ضعف. يا رب وحد كلمتنا, يا رب اجمع صفوفنا واجمع كلمتنا على ما يرضيك. يا رب قونا, يا رب اغننا من فضلك, يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا رب إننا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا رب اجعلنا رحماء بعضنا لبعض برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت صل وسلم وبارك لنا في هذا اليوم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.